Et que je n'arrive plus qu'avec des paillettes dressées en face de moi sa belle silhouette. La première partie de cette star, je savais bien qui elle était. Ensuite je lui ai parlé de cette histoire. Elle m'a dit qu'elle se souvenait de ce jeune homme qui était venu la voir, qu'elle n'avait jamais oublié. Qu'avait-il devant cette vedette de la télévision sur sa planète, lui qui ne l'avait vu qu'avec en face de lui sa belle silhouette. J'avais été ému devant cette vedette de la télévision sur ma planète, elle que je n'avais vue qu'avec des paillettes passait en face de moi sa belle silhouette. J'avais été ému devant cette vedette de la télévision sur ma planète, elle que je n'avais vue qu'avec des paillettes passait en face de moi sa belle silhouette. J'avais été ému devant cette vedette de la télévision sur ma planète, que je n'avais vu qu'avec des paillettes dressées en face de moi sa belle silhouette.